diversité. 89. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Laurent Constantin mènera une autre enquête sur l'UQTR dans Déchiffrons le campus. Et Justine Renaud s'amusera avec la science et la musique dans Justine Pertine. Assemblage requis commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 20 novembre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante, Stéphanie Paradis a congé aujourd'hui. Je suis encore seul, c'est un autre de ces matins où rien ne va plus. Mais on va s'amuser ensemble quand même, c'est certain. On va avoir Laurent Constantin dans quelques instants pour sa chronique Déchiffrons le campus. Lui qui enquête de main de maître un peu partout sur notre beau petit campus UQTérien. À 8h, Justine Renaud et sa collègue Justine Pertine, elle présente la fusion entre un phénomène scientifique ou un phénomène de la nature. Et rattache ça un petit peu avec la musique. Donc ça, c'était à 8h. À 9h, malgré l'absence de Stéphanie Paradis, je vais faire le poste d'écoute avec le nouveau maxi de Vogue Dots, dont vous vous souvenez peut-être parce qu'ils étaient sur le palmarès en fin d'été, début d'automne, quelque chose comme ça. Donc, le poste d'écoute à 9h. Autour de ça, ben, Colin, je pense qu'on va faire les instructions d'assemblage ensemble. Donc, c'est le plan pour l'émission d'aujourd'hui. On va commencer par contre en musique. Allons entendre une pièce de chocolat. C'est Burnout. Que je vais faire si je continue à faire l'émission tout ça. Tout ensemble, là, je vais qui jusqu'à 9h30. We'll be right back. Chocolat et Burnout, assemblage requis. On accueille Laurent Constantin à l'instant. Ça, on l'a déjà fait la semaine passée à l'instantin, fait que je la referai pas, là, mais je la trouvais vraiment bonne la semaine passée. Donc voici Déchiffrons le campus. I used to own this town. Now it's all turned upside down. I wish I could figure out. Ah, bonjour Laurent Constantin. Bonjour Mathieu Plante, comment ça va? Ça va très bien, toi ça va? Oui, ça va, ça va. Génial, je suis content de t'avoir avec moi en studio. Ouais, on va partager un petit moment à deux. C'est ça, un petit moment intime, le plus longtemps possible, ensemble. Donc aujourd'hui, on parle de sujets très controversés, par contre, des sujets qui brassent un peu, là, dans le sens que ça plaira pas à tout le monde. Oui, dans le fond, c'est ça. Moi, je m'en viens parler de l'universalité des lois. Ouais. C'est quoi ça, l'universalité des lois, bon, Mathieu Plante? On a l'université, ouais. On rajoute un petit peu de sel, ça fait l'universalité. Oui, surtout l'hiver, rajoute du sel parce que justement, pour rajouter du mordant à l'asphalte. Ils ont oublié ce matin, je pense, parce que c'est glissant en titillant le stationnement. Mais bon. Donc, on parle de religion, on parle de tout ce qu'on n'est pas supposé aborder en famille ou en studio. Des affaires comme la religion. Oui, c'est ça, moi, j'ai tout le temps l'impression là, que je suis le petit gars qui arrive le matin pour parler pour d'autres choses que de groupes émergents et de rock. Tu parles de tabou. Je parle de tabou. On y va tabou par tabou. Oui. Comme bon, tabou par tabou. Une loi. Ça a un caractère universel, c'est-à-dire qu'elle doit s'appliquer à tout citoyen étant sous une juridiction. Puis ici, bon, on peut parler de l'État québécois, de l'État canadien. Ouais. Donc, on doit suivre toutes les lois qui sont émises par ce gouvernement. Et je viens spécifiquement vous parler de deux cas, donc les cas de pratique Chaudhary et de Yonanan Lowen. Mm-hmm. Donc, vous voyez, ces gens-là ne sont pas natifs de Trois-Rivières, mais l'un d'eux, il réside actuellement. Donc, Pratik Chaudhary, cet étudiant au doctorat à l'UQTR, j'ignore le programme, originaire de l'Inde, qui voulait donner des cours de méditation à l'UQTR. Mm-hmm. Il a d'abord affiché par lui-même ses affiches en anglais et on lui a dit qu'il ne pouvait pas faire ça. Déjà qu'il faut passer par la GE de toute façon pour afficher. Lui, il l'a juste fait à la main, à la bonne franquette. Mm-hmm. Okay. Il affiche en anglais parce qu'il ne parle pas français. Aucun mot. Sa langue, c'est l'anglais. Ben, sa langue maternelle, c'est l'hindi. Et sinon, c'est l'anglais. Donc, pour lui, l'anglais, c'est une langue d'intégration. Ouais. La langue, c'est la langue qui fait qu'il est ici. Pour lui, tout le monde, mettons, en Inde, parle anglais comme langue seconde. Ils disent qu'ici, sûrement tout le monde parle anglais aussi. Ben, pour eux, c'est la langue internationale. C'est ça. Ils ont leur, par défaut, c'est langue. Ils ont leur dialecte locaux. Mm. Ils ont l'hindi, qui est un peu la langue majoritaire. Mais dès qu'on sort de l'Inde, il n'y a personne, à peu près personne qui parle ces langues-là. Sauf peut-être la diaspora indienne. Donc, c'est l'anglais. Mm. Moi, ce qui me rend un peu mal à l'aise, c'est cet homme-là... qui ne parle qu'anglais, qui arrive dans une ville qui... 98%, on me dit, francophone. Oui, on me dit presque exclusivement. Ouais. Et une université aussi qui est censée être strictement francophone. Là, on parlait il y a quelques mois des tentations de l'UQTR de peut-être créer certains cours en anglais pour attirer des étudiants internationaux. Mais bon, ce qui me rend aussi mal à l'aise, c'est que cet étudiant-là, bon, il y a eu des pourparlers avec la GE. Mathieu Roy, président de la GEQTR, lui a proposé de traduire ses affiches pour qu'elles soient en français, pour qu'elles suivent finalement les règles de la charte de la langue française, la loi 101. En passant, la GE qui n'a aucune raison de connaître l'anglais et lui parler à ce gars-là, je veux dire, il n'y a eu aucune règle qui dit à un membre de la GE qu'il doit parler anglais. Exactement. Okay. Donc, on lui propose de traduire ses affiches en français. Google Translate, au pire, on a déjà vu pire. Exactement. Lui, il répond un peu, ben non, ça sert à rien de traduire tout ça en français de toute façon parce que je vais donner les cours en anglais. Et là, on se dit, oui, mais on va tout faire ça en français. Puis il va en mention, au pire, au bas de la fiche, disant que les cours, tout de même, vont se donner en anglais. Ça puis c'est de méditation, il ne doit pas y avoir tant de parler que ça. Ça doit être pas mal... réfléchir et être introspectif. Oui, c'est ça, la méditation, j'imagine, c'est ça. C'est, On va comprendre les étapes de genre « breathe in, breathe out ». Tu sais, genre « respire ». On comprend. Next. C'est ça. T'sais. Il y a un caractère universel, justement, je sais pas, j'imagine, à se détendre. Je sais pas, je connais pas ça. Et bon, cette personne-là, tout à fait ignoraient l'existence d'une charte de la langue française. Ouais. Ignoraient justement la, la réalité québécoise. C'est pas affiché partout sur les pancartes. Sa langue. Ouais. Peut-être que de son côté, il aurait pu s'informer davantage. Peut-être. Peut-être aussi que le gouvernement ne l'a pas assez informé qu'il arrivait dans une société très francophone. Tu as dit qu'il arrivait, qu'il était citoyen de Trois-Rivières. Donc, ça veut dire qu'il a eu sa citoyenneté canadienne. Et donc, non, passé... je voulais dire qu'il réside à Trois-Rivières. Il réside, OK. Parce que il y a un grand et long examen très, très ardu. J'ai déjà vu les questions à ces trucs-là. Puis, ils en savent presque plus que nous autres. Lors de leur test de citoyenneté. Donc, il devrait, j'imagine, connaître la loi a dû être intégrée à ce test-là. Donc, s'il réside à Trois-Rivières et qu'il n'a pas passé le test, on peut comprendre qu'il ne connaisse pas la règle. Donc, il n'a peut-être pas suivi le cours normal des choses. Mais c'est ça, je trouve ça spécial, justement, un étudiant qui ne parle qu'anglais. Ouais. Et on lui dit va à Trois-Rivières, tu vas pouvoir faire ta thèse en anglais parce que, évidemment, tu ne peux pas la faire en français, mais il existe aussi des règles à l'UQTR disant que les mémoires, les thèses doivent être rédigées en français, sauf exception, s'il y a des permissions spéciales. Donc, est-ce qu'il y a trop de permissions pour à peu près tous les étudiants internationaux, finalement? C'est censé, justement... est-ce que moi, parce que je suis un Québécois qui parle français, moi, je n'aurais pas cette permission-là? Il y a peut-être un petit côté aussi... ethnique, si on peut dire. Ouais. Là, on veut lui permettre de faire ces choses-là. Mm. Donc, on rend les lois moins... universel. C'est plus souple, un petit peu. Toutefois, je salue Mathieu Roy, président de la GQTR, qui s'est un peu tenu droit face à cette situation-là en énonçant justement la loi 101 qui doit être appliquée à tout le temps et qui suivait aussi tout simplement la règle d'affichage de la GQTR qui essaie de prôner l'affichage en français. C'est pour ça que... C'était des règles que tu les plies pour tout le monde, tes règles, ça ne plus à grand-chose, il n'y a plus de crédibilité. C'est pour ça que depuis quelques années aussi, plusieurs parties qui sont faits sur le campus, comme le Frosty, comme le F1, c'est pas vraiment le cas, là, mais je sais que le E2 Game, toutes des terminaisons qui ont un anglicisme, là, doivent tout le temps avoir un petit sous-titre en français pour expliquer finalement c'est quoi ça, le party Frosty. Donc, ça va un peu dans cette même tendance-là. Même si le mot est utilisé pour absolument rien, parce que qu'est-ce qu'il y a de Frosty, ce party-là? Vraiment, l'envie. Il y a de la slush. Ouais. Mais je veux pas trop faire de publicité pour le Frosty. Là, on va passer au deuxième cas. OK. Donc, Yonanan Wallen. Donc, Yonanan Lowen, lui, il ne réside pas du tout à Trois-Rivières, mais ça va me permettre de faire un parallèle avec Pratique. Oui, Ouais, tu vois que je me suis retenu de faire des jeux de mots avec Pratique, là. Tu pratiques ton... Okay. C'était trop facile. Yonanan, par contre, t'as envie de chanter une chanson. Oui? Mais je sais pas laquelle. OK, d'accord. Bon, Yonanan Lowen, lui, est plutôt résident de Montréal. Okay. Il est natif de l'Angleterre, est arrivé au Québec... De Yonanan-Angleterre, qu'on dit. Bon. Il est arrivé ici vers l'âge de 10 ans. Oui. Et a vécu toute sa vie, sauf jusque récemment, dans une communauté juive hassidique. Mmh. Donc, vivre dans une société qui était très rétrograde, très conservatrice, très fermée... au changement, au présent. Fermée aussi en elle-même. C'est une micro-société qui fait très peu d'échanges avec l'extérieur. Donc, lui, il y a quelques jours... si on peut dire... intente une poursuite contre le ministère de l'Éducation du Québec, contre le directeur de la jeunesse, donc le directeur de la protection de la jeunesse, donc la DPJ, exactement, contre les écoles où il est allé, contre la commission scolaire de Montréal. Bref, contre Stephen Harper, contre Oprah Winfrey, contre la PAP. Non, mais plusieurs poursuites contre plusieurs personnes parce qu'il considère qu'il a eu une mauvaise éducation. Il est allé dans ce qu'on appelle une école juive illégale, donc c'est une école privée qui ne suit pas du tout le programme de l'école québécoise, donc il va plutôt suivre certains préceptes de la religion juive. Mm-hmm. Donc, il va les préparer plutôt à être rabbin que de bons citoyens québécois. Ouais. On a longtemps toléré ces écoles-là, bien qu'elles soient illégales, qu'elles n'aient pas de permission d'enseigner. Et lui... Il poursuit exactement parce qu'il considère que son éducation a été déficiente, qu'aujourd'hui, ça l'empêche d'avoir un emploi bien rémunéré, que ça l'empêche de bien éduquer ses enfants qui, eux, vont à une école dite normale, une école publique. Et ça entraîne certaines dépressions qui sont chroniques chez lui. Disons que c'est un peu drabe, hein? Oui. C'est un peu drabin. Rabin. Donc le problème... Oh, passe à autre chose pour un vite. Il y a des bons jeux de mots. Il y a des bons merci, jeux merci, de mots. Merci, merci. Donc, le cas de Yonanan, ça nous exprime un peu le côté non universel de ces lois-là. Donc, il existe une loi, donc la loi sur l'instruction publique, qui dit que chaque personne doit être instruite dans une école reconnue jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc, lui, on ne lui a pas offert ce droit-là. Ses parents ont plutôt choisi de l'envoyer dans une école privée juive illégale. Donc, c'est pour ça qu'il poursuit, finalement, parce qu'il a dit, il y a une loi, elle n'a pas été impliquée, elle n'a pas été appliquée, et je suis donc une victime d'un gouvernement qui n'a pas su tenir ses culottes. OK. Donc, ça fait plusieurs années, justement, que c'est un sujet qui est délicat, les écoles juives. On se demande, bon, est-ce qu'on les ferme puis on paraît comme de grands racistes, fascistes, justement, à tout fermer ce qui est juif, là, mm-hmm. À la limite, tu sais... On pourrait même traiter de... Ben, c'est ça, c'est quoi, là? T'sais? Se faire traiter d'antisémite, ça peut arriver souvent rapidement. C'est ça le problème. Mettons. Et on peut aussi les tolérer, accepter que des cas comme M. Lowen arrivent quelquefois, de temps en temps. Tu le fais une fois, tu le fais à tout le monde après ça. Et c'est ça, de rester ça silencieusement. Mm-hmm. Mais le cas de tolérer, c'est de dire justement que ces lois-là qu'on a passées ne sont plus universelles. Ouais. Elles s'appliquent simplement à ceux qui veulent vraiment les appliquer. Donc, elles s'appliquent à ceux qui les ont appliquées, c'est-à-dire les citoyens québécois et les gens... Parce qu'eux, ce ne sont pas ces juifs-là, les juifs hassidiques, ce ne sont pas des gens-là qui sont ici depuis 200, 300 ans. Mm. Il en existe, là, des communautés juives qui sont arrivées tout de suite avec les Anglais en 1763. Là. Ici, on a un beau modèle à Trois-Rivières, la famille Hart, qui a longtemps été une des familles prospères de Trois-Rivières. Ils étaient là depuis très, très longtemps déjà. Mm. Les communautés hassidiques sont simplement ici depuis la fin du 19e siècle, voire du 20e siècle. Certaines continuent d'arriver. Donc, ils ne peuvent pas parler de droits traditionnels à une éducation séparée. Il faudrait vraiment les inclure dans le système d'éducation québécois. Et c'est pour justement pour pas se faire traiter d'antisémite qu'on tolère ça. Mais moi, je trouve tout autant raciste, et M. Lowen le précise, que ce qui est antisémite, C'est de les traiter différemment, finalement, exactement. Mais c'est ça, c'est des préjugés positifs, c'est du racisme positif. Ouais, ouais. Moi, tu vois, les juifs acidiques, c'était à la place des juifs acidulés. Tu sais, du petit... Tu sais, c'est surette dans le mot. Acidulé. Non, t'aimes pas ça. Tu jubes. Non. Je suis sûr que là, tout le monde les accepterait dans leur petit sac bonbon. Donc, finalement, le malaise que ça amène... Celui-là, c'est deux cas-là. C'est deux cas-là en général. Ouais. Parce qu'il y a le caractère universel des lois... On dit qu'on va l'appliquer dans certaines situations, dans d'autres, on l'appliquera moins. Dans le premier cas, on a créé la charte de la langue française, qui vraiment est un statement pour la langue française. C'est de dire que c'est la langue qui est universelle, la langue de communication au Québec. Toute personne qui arrive ici doit connaître cette loi-là, si on peut dire. Là, pour la popularisation, on a vraiment fait une charte. Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on devait faire une charte de laïcité pour un peu encore faire la promotion que tout système d'éducation doit être minimalement laïque, universel, que tout jeune doit aller dans une école reconnue? Mais dans ces cas-ci, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin d'une charte de laïcité, on a tout simplement besoin d'appliquer les lois qui sont déjà existantes. Ils sont déjà là. Alors, parce que la loi sur... la loi sur l'instruction publique, excusez-moi, je cherchais la LIP, là. Je connais plutôt plein d'acronymes ayant étudié en enseignement. Eh bien, elle est très explicite là, sur le fait que tous doivent aller à une école reconnue jusqu'à l'âge de 16 ans. Mmh. Et eux sont plutôt préparés à être rabbins toute leur jeunesse. Et c'est pour ça qu'ils peuvent arriver un moment donné à l'âge adulte. Et quand ils se décident de un peu sortir de cette communauté-là, juive hassidique, voit vraiment le clivage qui existe entre leur société et la société actuelle. On a passé leur jeunesse à leur raconter, à leur demander de faire le déni, si on peut dire, de la société moderne québécoise ou la société moderne occidentale, nommez-la comme vous voulez. Et c'est maintenant eux qui en payent le prix, à cause, finalement, des décisions des gouvernements. Ouais. Ah, éducation arabe. Oui, arabais, donc c'est ça. Ça parle du système d'éducation, ça parle des lois. Ça me tentait de parler d'autre chose que d'austérité ce matin-là. T'es allé fort, mais comme choix de sujet, j'aime ça. Je trouve que tu fonces directement dans le vif. Oui, mais il faut avoir aussi un certain recul. Là. Il faut savoir analyser aussi. Là. Ça serait facile de porter des jugements faciles sur ces deux situations-là. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est complexe. Évidemment, on n'a pas la solution à tout ça. On a dit un petit peu ce qu'il fallait faire, mais en même temps, on peut pas dire que c'est ça qui va se faire. On sait pas. On va appeler de grands sociologues qui vont nous parler de... C'est ça. Ces problèmes-là. Laurent Constantin, merci. Ben, c'est un plaisir, Mathieu Plante. On se retrouve jeudi prochain, en début d'émission, vers 7h30. Est-ce que tu restes avec nous un petit peu? Oui, juste un petit peu. Ben oui, pourquoi pas. Ouais. J'ai pas reçu d'appel ce matin pour travailler. Ben oui, c'est comme je disais, j'étudie en enseignement. Maintenant, j'essaie d'être enseignant. Ouais. On a pas encore eu d'appel sur notre ligne rouge, téléphone rouge de Batman, de controverse et de... On a parlé de ces sujets-là, on les a abordés. On est de même. Donc, on va continuer en musique. Deux petites secondes. On va entendre un extrait de Orange O'Clock, c'est Home Run. Juste après ça, l'émission continue avec Laurent Constantin un peu. Et ensuite, Justine Renaud qui va être là pour sa chronique. Justine Pertine sur C'est fou. 89 FM. Game's kind of fun to play, I don't wanna be out. I know there are lines that we shouldn't cross. We'll be fooling around, but there will be no us. Strike number one, I was just trying to turn it on. I'm not allowed to speed it up. Not allowed to speed it up. Moving backward, it feels like we're wasting our time. Over and over, we skip like a record. Running in circles, stuck in the same old swirl. She said, rules are clear, I don't want more. No strings attached and there will be no us. Strike number two, couldn't stand it, I fell in love. Game's not a game anymore. Guess we're not living in the same world. Moving backward, wasting our time. Cause I could take you miles and miles and miles and miles and miles away. With me. c'est Home Run qu'on vient d'entendre par Ranger Clark. On prend une minuscule pause et au retour, on va faire les instructions d'assemblage. Et plus tard, Justine Renaud et Justine Pertine. Assemblage requis, ça c'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce jeudi matin 20 novembre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante et Stéphanie Paradis a congé aujourd'hui. Par contre, j'ai gardé un petit peu, à peine Laurent Constantin. Bonjour! Je suis kidnappé. Bonjour! On va faire les instructions d'assemblage dans quelques instants. On va apprendre à vivre, comment mieux vivre, comment utiliser les choses de la vie de tous les jours pour mieux vivre. Mais avant ça, une autre pièce musicale, juste parce que c'est bon, une fois de temps en temps, d'écouter de la musique. C'est Guillaume Beauregard qu'on s'en va entendre avec la pièce presque titre de son album « D'étoiles, de pluie et de cendres ». Voici « De pluie et de cendres ». Il y a du « Fuck les étoiles ». C'est le nom de la pièce. Là, on va faire « Les étoiles ». Y a-t-il une pièce qui s'appelle « Les étoiles »? Les étoiles. Peu importe les mots et la manière, peu importe les ombres et la lumière, toutes les blessures du temps sur la conscience, toutes les raisons de confesser la démence, à toutes les minutes et à toutes les secondes, peu importe les bêtises que je te raconte, à tous les coins et les rues et les tournants, peu importe si je vois rouge comme le sang. Les lignes, peu importe les alarmes et les signes, peu importe les cris et les échos, peu importe la chair et le sang et les os. C'était Guillaume Beauregard et de pluie et de cendres à Assemblage requis. Et maintenant, revirement de situation, volte-face, comme dirait Laurent. Moi, je dirais, on tue la une. Elle est arrivée. C'est Justine Pertine. Bonjour Mathieu. Salut Justine Pertine, ça va? C'est ton nom, c'est Renaud, je sais que c'est Justine oui, Renaud. Oui, je suis la protagoniste de ma propre chronique, s'auto-intitule, c'est éponymique, Justine, où ce que je pertine sur des phénomènes de la nature, ouais. Où je vous explique un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de votre lit. C'est quoi l'affaire? C'est quoi l'affaire? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'univers? Et la réponse à la vie, finalement. Hein, c'est... La réponse à la vie, j'ai la prétention de vous offrir cette réponse à la vie. Dans le passé, je vous ai expliqué des affaires comme la neige, la tempête, des ouragans, des feuilles des arbres, pourquoi ils tombent, pourquoi ils changent de couleur, c'est quoi la couleur? C'est quoi la couleur? Pourquoi les couleurs existent? C'est des questions comme ça qu'on a tous dans la vie. Eh, oui. Elle y répond. Oui, dans le fond, vous êtes, à la fin de ma chronique, vous êtes super bien outillés pour répondre aux questions, dans le fond, des enfants de 5 ans qui disent pourquoi? Ouais. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi? Hein? On peut écouter Découverte. Oui. En n'apprenant plus rien. C'est ça. Tu vas pouvoir dire ah, je le savais. Une chose qui sert. Tu sers à rien. C'est vraiment bonne. Bienvenue à Découverte. Oui. Vous avez vraiment une belle voix, les gars. La mienne, ce matin, est un peu enrouée à force d'avoir crié dans le trafic ce matin en m'en venant jusqu'ici. J'habite dans le secteur Sainte-Marthe pour le moment et c'était jammé dans le coude de... Attends, mon Larousse. Oui, jammé dans le coude jusqu'à Saint-Maurice, l'espèce de rue où est-ce que le Canac Marquis, où est-ce qu'il y a des gens qui se décident d'aller au Canac Marquis à 7h45 le matin. Ben oui, c'est ouvert. Fait qu'il tourne à gauche. Wow! Tourne à gauche, bravo les gens. Je sais pas ce que tu veux faire à rénover à ce temps-ci de l'année, mais t'es courageux, du moins. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça que je veux vous parler, des gens qui tournent à gauche sur Saint-Maurice, parce que j'en aurais beaucoup trop long à dire. J'en aurais besoin d'à peu près genre une session de chronique entière juste pour me défouler. Aujourd'hui, on va parler du son, c'est-à-dire de pourquoi vous entendez ma voix. Ben non, ben oui. Oui, pourquoi vous entendez ma voix? Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas celle de Stéphanie Paradis? Est-ce que t'as la réponse à ça? Je sais pas, est-ce qu'elle est... Elle n'est pas... Est-ce que tu la vois? Ben non, mais je pensais qu'elle était... Invisible. Juste peut-être à la salle de bain ou... Non. Elle n'a plus de voix aujourd'hui. Elle n'a plus de voix? Ouais. Oh mon Dieu! C'est un autre symptôme de sa religion mormone. Elle s'est convertie récemment. Elle est mormone et ça lui fait perdre la voix. Elle a perdu la voix à cause de son mormonisme. Tu sais, on pourrait croire qu'elle mormonnerait, mais non. Non, Steph a jamais mormonné ben. Pas vraiment, elle crie tout le temps. Mm-hmm. Espèce d'hystérique, hein, Stéphanie. On l'appelle Stéphanie hystérique, d'ailleurs. Stéphanie hystérique. OK. Ou paradis hystérique. Comme vous Stéphanie voulez. Hystérique, paradis hystérique. Est-ce que ça paraît que j'étire les chroniques pour pouvoir remplir notre 2 heures? Paraît-tu? Non, mais moi, je peux vous étirer ça en masse. Non, j'ai pas du tout senti ça. Ça paraît pas partout. Comment tu dis? Hein? Est-ce que vous vous êtes échauffé avant de vous étirer, là? Je te vouvoie tout d'un coup. Merci, je sais plus si tu me parlais à moi ou au requin. T'sais. Non, mais je parlais aux deux. Je parlais au requin. À Laurent. Je parlais à Laurent. Okay. Je déparle. Aujourd'hui, on parle de son et non pas de muffin au son, ni de muffin à l'avoine. Le son étant quoi, dans le fond, physiquement parlant, c'est une vibration mécanique d'un fluide ou aussi parfois d'un solide qui se propage comme les bolas. Non, c'est pas vrai. Hey, qui se propage. Wow. Hey, le tabou, aujourd'hui, on brise les tabous. J'ai les bolas dans les oreilles. Oui. Bon, c'est pas si grave que ça. À moins que t'aies une plaie ouverte, ça devrait pas... Ben, je me baignerais pas dans une piscine des bolas. Tu baignerais pas dedans, tu prendrais peut-être un bol ou un bol. Un bol de bol. Tu me donnerais un bol de bol. OK. C'est ça, c'est correct. Voyons. Non, elle est pas bonne. C'est vrai qu'elle est pas bonne. Bon. Hein? Alors, le son... Cette vibration qui se propage sous forme d'ondes longitudinales grâce, dans le fond, à la déformation élastique du dit fluide ou solide. Ça a l'air bien compliqué tout ça, mais essentiellement, c'est très, très simple. La science qui étudie le son, c'est l'acoustique et non pas juste la guitare acoustique. Hmm? Et dans un milieu fluide, compressible, bon, je parle de fluide, là, mais ça fonctionne aussi pour les solides. Il faut toujours garder ça en tête. Dans un fluide compressible, le plus souvent l'air, c'est-à-dire l'atmosphère autour de nous, ce qui fait en sorte que vous entendez ce que je dis en ce moment parce que le speaker de votre radio dans votre auto, Tercel 95, émet, dans le fond, des vibrations qui font vibrer l'air. Le son se propage sous forme d'une variation de pression créée par la source sonore. dans votre cas à vous, vos haut-parleurs d'auto ou peut-être votre casque d'écoute, dépendamment de comment vous écoutez, c'est fou. Et la compression se propage, mais les particules d'air oscillent seulement de quelques micromètres. Et des micromètres, là, ça, c'est 1000 fois plus petit qu'un millimètre, ce qui est 1 000 000 fois plus petit qu'un mètre. Aïe, ça, c'est un petit calcul rapide. Hein? Je suis vraiment archi nulle en calcul mental. En plus, j'ai regardé les zéros dans ma tête, là, puis là, j'ai commencé à avoir un code binaire. Après, ça marche pas. T'es dans la matrice, soudainement. Ça. Voilà. Donc, admettons que votre haut-parleur va bouger d'en avant en arrière, ça va créer une compression, donc ça va comprimer l'air autour, et cette compression-là va vraiment se propager en faisant seulement vibrer l'air de micromètres autour d'une position stable. Un peu de la même façon que lorsqu'on jette une pierre dans l'eau, hein? On va jeter une pierre, puis au niveau de où est-ce que la pierre est tombée, les vagues se déplacent en s'éloignant de ce point. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que l'eau, même chose comme l'air quand il y a un son, l'eau va rester au même endroit. Elle ne fait que se déplacer verticalement et non suivre les vagues. Donc, admettons qu'on fait une bombe, techniquement, l'eau dans laquelle vous avez tombé reste à peu près au même endroit. Ben là, ça dépend si vous avez fait comme une espèce de grosse splash. Ça dépend de votre poids, ça. Ouais, mettons que vous êtes une roche. Okay. Vous êtes bien plate. On vous collectionne chez les nerds. Mais pas les nerds, même pas. C'est un sous... excusez-moi. Les nerds rient de ça. Ceux qui collectionnent les roches, ça veut dire? Voilà, moi, je ris des gens qui collectionnent des roches. Tu élimines notre public au complet. Là. Non, mais... les collectionneurs de roches. C'est pas vrai, je ris pas de vous. C'est juste qu'il faut au moins que ce soit belle, vos roches. Hein. Admettons que... Bon, c'est ça, on a fait un peu le tour du sujet, mais essentiellement, là, si vous mettiez un bateau à côté d'une roche que vous faites plouch, ben, un petit bateau, là, pas un gros bateau, le bateau va juste monter de haut en bas. Vous voyez, quand les bateaux sont amarrés, souvent, quand il y a des vagues, le bateau, il va pas de gauche à droite, mais il fait vraiment de haut en bas. Et c'est le même comportement qu'adopte, dans le fond, les molécules d'air ou même les molécules de solide lorsqu'il y a un son. Dans les fluides, l'onde sonore est longitudinale. Qu'est-ce qu'on veut dire par longitudinale? C'est-à-dire que les particules vibrent parallèlement à la direction de déplacement de l'onde. C'est-à-dire qu'admettons que vous regardez votre haut-parleur de l'auto. Non, gardez vos yeux rivés sur la route, s'il vous plaît. On va, surtout ceux qui n'ont pas leurs pneus d'hiver, mes petits coquins. Les requins coquins. L'air va se déplacer vraiment dans la même ligne que le son, c'est-à-dire de gauche à droite, mettons, de votre haut-parleur. C'est pour ça qu'il faut parler dans le micro. C'est pas... oui, exactement. Oui, c'est ça. Je suis, ça. Il va pas se déplacer. Les particules d'air ne se déplaceront pas de manière perpendiculaire. Donc, c'est vraiment dans le même sens que la propagation de l'onde sonore. Quant aux solides, en vibrant, ils peuvent transmettre un son, comme on l'a dit, et la vibration s'y propage comme dans les fluides, mais avec une plus faible oscillation des atomes autour de leur position d'équilibre. Ces atomes-là doivent répondre à une contrainte du matériau, c'est-à-dire que c'est pour ça que ça peut pas se déplacer autant que de l'air, on s'entend-tu? Sinon, on peut bien se demander pourquoi le pont Champlain tombe en morceaux. Maintenant, on va parler un peu du son sous trois volets, la vitesse, hein, l'intensité et la fréquence du son. Parce que je pourrais parler de tout plein d'autres affaires comme des timbres, mais ça aussi, ça se collectionne puis j'aime pas ça. Bon. Alors, je l'ai trouvé super drôle, ma joke. Hey, comment? Les collectionneurs de timbres et de rushs, là, ce sont des personnes fascinantes. T'as vraiment de la haine contre des catégories de groupes. J'ai là. Pas de haine. Non. Non, j'ai juste du Heinz dans la porte de mon frigo. C'est vraiment mauvais, ça. Ouais, l'affaire avec ketchup, hein. Tu bats les records de Mathieu Plante. Vraiment. Hey, c'est insultant, ça. Or, si on parle de vitesse, parce que ça l'excite tout le monde, la vitesse, là, Flash puis tout ça, là, c'est un... Les Flash de la vitesse. Flash. Le magazine de potins à TQS dans le temps? Non, je pense pas. Non? Ça aussi, la connerie se propage vite. Excusez-moi. Alors, on peut dire que le son se propage moins vite quand... Hein? Lorsque la densité du gaz augmente, donc quand les atomes sont plus difficiles à bouger, ils prennent plus de temps à vibrer et transmettent l'onde plus ils sont denses, ou lorsque sa compressibilité augmente, donc le son se propage moins vite lorsque, dans le fond, sous l'effet de la pression, ouais, qu'est-ce que j'ai écrit là? Son aptitude à changer. Oui, l'aptitude au son. C'est-à-dire que j'ai écrit son. T'as écrit au son, hein? C'est j'ai ça, c'est comme son. Sur Amazon Messenger dans le temps. Tabarouette. J'ai écrit son, puis je parlais de son. Puis là, j'étais comme, de quel son que je parle? Son aptitude MDR, au son. Hein? Son aptitude au son à changer de volume sous l'effet de la pression. Dans le fond, plus un matériel, dans le fond, est compressible, comme l'air, c'est hyper compressible, moins vite le son va se propager. Ceci se voit d'ailleurs juste en observant le comportement du son au travers de l'air versus l'eau versus un solide. Par exemple, dans l'atmosphère telle qu'on le connaît, les ondes sonores se déplacent à environ 340 mètres par seconde dans des conditions normales de température et de pression. Cependant, dans l'eau, la vitesse du son est de 1482 mètres par seconde. Donc, c'est quelque chose comme beaucoup plus vite, presque 5 fois plus vite. Moi, calcul mental, ma tête. C'est sûr que les dauphins ils ont mal aux oreilles quand ils se foragent. Ouch. Peut-être bien, mais ça, c'est par rapport à l'intensité plus. Là, on parle de vitesse. Sinon, les liomes, là, ça justifie tout ça. Attends, on va parler de l'heure. Je suis trop vite. Je suis désolé, je vais le dépendre. Non, mais c'est bon. C'est bon. Ça veut dire que t'es allumé un matin, c'est bon. Fait que là, on a parlé que l'eau, le son se propage 5 fois plus vite dans l'eau. Mais dans d'autres milieux, les vibrations peuvent se propager encore plus vite. On parle des milieux solides. Ainsi, dans l'acier, les vibrations se propagent à plus de 5500 mètres par seconde. Admettons que vous êtes une traque de chemin de fer et que vous donnez un gros coup sur la traque de chemin de fer, vous allez entendre, admettons que vous vous placez... Mettons que vous êtes deux. Vous êtes deux, mettons. Même personne deux fois, mettons. Oui, okay. C'est ça. Amenez votre jumeau. Là. Il y a quelqu'un qui se place super loin sur la traque de chemin de fer, donne un coup sur la dite traque. Le rail en acier. Et vous allez entendre le son en premier dans l'acier et ensuite dans l'air. Hein? C'est pour ça que vous entendez un toc-toc quand quelqu'un frappe juste une fois sur un rail de chemin de fer. Mais voyons donc. De ce que je viens de tout dire de là, c'est une belle phrase. Ouais, répète-la. De ce que je viens de tout dire de là, je l'ai dit exactement pareil. C'est pas une radio, c'est de tout ce que je viens de dire de là. Okay. Ah oui, ça se peut. Ouais. Qu'est-ce qu'on en retient de tout ça aussi, c'est que puisqu'il faut un médium, donc un espèce de matériel, des molécules. Jojo Savard, un médium. Oui, on a besoin de plein de Jojo Savard partout pour que le son se propage. Ça voudrait dire que lorsqu'il y a le vide ou dans l'espace, par exemple, il n'y a pas de son. Okay? Oui, ben c'est ça. Dans l'espace, on ne peut pas t'entendre crier. C'est ça. Fait qu'admettons qu'il y aurait une explosion sur le soleil, on ne l'entendrait jamais. Non. C'est pas compliqué. On s'en rendrait compte. Ouais. Aussi découlant de ces principes, le son voyage mieux dans un médium froid que dans un médium chaud et non pas dans un médium saignant. Ou dans un médium large à Radio-Canada. Oui, un médium large, ouais, c'est ça. Donc, dans un milieu qui est froid, ça voyage plus vite. Par exemple, pendant la nuit, pourquoi est-ce qu'on entend si bien les trains? Mais c'est à cause qu'il fait plus froid. Vous avez jamais remarqué qu'on entend tout le temps mieux les trains la nuit? Colin! Voyons donc, là, tu non, mais sérieux, t'invente des affaires. Admettons, on entend les loups la nuit. Oui. Puis, admettons, on n'habite pas loin d'une forêt, mais durant le jour, on n'entend pas les loups. Puis, c'est pas parce qu'ils ne roulent pas nécessairement, là, c'est vraiment parce qu'il fait plus froid et le son va être transmis beaucoup plus rapidement. Wow. Donc, l'intensité du son va prendre plus de temps à diminuer, à s'affaiblir. Donc, on peut percevoir beaucoup plus de son la nuit parce qu'il fait plus froid, tout simplement. Moi qui croyais que les trains chez nous passaient juste la nuit. Ben, c'est ça. Mon enfance vient de sacrer le camp. Bon, il y a des trains qui passent plus souvent la nuit, oui, mais on les entend vraiment, vraiment mieux. OK. Voilà. Eh ben. Quant à l'intensité, parce que là, on clôt le sujet de la vitesse, l'intensité est mesurée en décibels. C'est donc bien cute, ça, comme unité de mesure. Donc, les décibels, c'est la pression sonore et l'intensité qui s'exprime souvent au logarithme décimal de la puissance. Qu'est-ce que ça veut dire, en gros? C'est lorsque, disons, on dit qu'un son est émis à 20 décibels, bien, 30 décibels, c'est 10 fois plus que ça. Okay. 40 décibels, c'est 100 fois plus que 20. 50, c'est 1000 fois plus. Un peu comme l'échelle Richter, où ce qu'on dit qu'un tremblement de terre de 5 est 10 fois moins puissant qu'un tremblement de terre de 6 sur l'échelle de Richter. Wow. Okay? Et essentiellement, tous les niveaux sonores sont des nombres positifs. Pourquoi? Parce que les scientifiques ont établi que le niveau 0 décibels correspond à un son pratiquement imperceptible. Moi, la question que je me posais, c'est imperceptible par rapport à quoi? Mais j'ai rien trouvé. Parce qu'essentiellement, les décibels, c'est une unité relative, dans le sens qu'on pourrait comparer, disons, on est dans une shop et ils essaient de mesurer le niveau de bruit sonore en décibels. Bien, en fait, lorsqu'il n'y a pas de machine qui fonctionne, il y a quand même un bruit ambiant dans une usine, par exemple. Donc, admettons, c'est pas vraiment un 0 décibels comme à la maison. Le 0 décibels dans une usine est beaucoup plus bruyant qu'un 0 décibels, disons, dans l'espace encore plus. Fait que c'est vraiment une mesure relative. Donc, quand on parle de décibels, on ne parle pas du nom bizarre de votre petite nièce, puisque là, ça commence à être à mode d'appeler ses enfants décibels. Sérieux? Oui. Pour vrai? Je vous jure. J'aurais jamais pensé. Oui, décibels. Ben c'est pas laid, là. C'est cute même, mais c'est juste que il faut penser à toute l'espèce de quantitativité mathématique derrière l'intensité du son. Puis moi, ça me saoule un peu. Tu complexifies sa vie, mais est-ce que c'est genre... J'ai un neveu qui s'appelle Kilo Newton. Là. Bon, je pense que cette blague bat tout. Ça pourrait être Décibel, mais écrit Daisy Bell. Daisy Bell. Daisy Bell. C'est tellement sexy, you know? Les cloches de Daisy. Ouais, voilà. Mm. Et voilà. Et quand ça a fait commander, évidemment, par une compagnie de téléphone. Puis, oui. Un cellulaire gratuit à vie. C'est ça, exact. Mm-hmm. Daisy Bell. Maintenant qu'on a clos le sujet de l'intensité, parlons de fréquence. Puis fréquence, c'est là qu'on va arriver à l'hélium. Ah, 89.1 FM, la fréquence, hein? Qu'on choisit. 89.1 FM, la fréquence, parce que... Effectivement. Ben 89.1, oui. Je sais pas, c'est en... Modulation fréquence, en kilo, méga... Mais je pense que c'est... MHZ, je connais pas ça du tout. Mais la radio, c'est une onde électromagnétique. C'est une onde électromagnétique. Mais c'est pas du son, hein. En passant, quand la radio, vous entendez la radio qui part de notre antenne, c'est pas du son, c'est vraiment une onde électromagnétique qui est ensuite traduite par votre radio, l'antenne de votre radio. C'est pas compliqué. Du son, là, c'est pas... Il y a des petits traducteurs électroniques. Exactement. Okay. Si on parle de la fréquence du son en tant que tel, on peut dire aujourd'hui que les physiologistes s'accordent à l'oreille à dire que l'oreille humaine moyenne ne perçoit les sons que dans une plage à quelque part sur le bord de la Méditerranée. Ailleurs, on n'entend pas le son. Justine! Donc, on entend chez les humains des fréquences situées entre environ 16 Hz et 15 à 20 Hz. C'est quoi 16 Hz et 15 à 20 Hz? Pardon? Moi, je vous dirais 15 à 20 Hz. Ça devrait faire. Parce que le 16, il est entre les deux. Les physiologistes sont dopés vers elle. De 15 à 20, entre autres 16, il y a aussi 17, la possibilité d'un 18. 18.3, parfois. Quand on est en dessous de 10 Hz, les vibrations du milieu sont appelées infrasons, donc en dessous de ce qu'on est capable de percevoir en tant qu'humain. Au-dessus de 20 kHz, on parle d'ultrasons. Ah, je viens de comprendre, c'est 16 Hz. Jusqu'à 15 à 20 kHz. C'est mon erreur. Je suis cross-eyed. La prochaine fois, je vais vous expliquer comment ça fonctionne la vue, puis vous allez voir que chez moi, ça échoue pas mal tout le temps. Hein, c'est pas vrai, j'ai une vision 20 sur 20. Hey, félicitations. Ouais, merci. Et ça, c'était des ultrasons au-delà de 20 kHz. Donc, par exemple, moi, au laboratoire, j'ai des rats qui communiquent à 22 kHz et à 50 kHz. Et dépendamment de. Bref, on les entend pas, ces sons-là. T'as-tu un Google Translate pour les comprendre? Oui, en fait, j'ai comme une espèce de détecteur d'ultrasons à chauve-souris que j'utilise pour parler avec mes rats. C'est cool, quoi? Tu leur dis quoi? Ben, moi, je leur dis rien, mais eux autres, ils me disent « Hey, mon copain, là, je l'aime pas. » Essentiellement, pour vrai, c'est ça. Wow. Tu n'utilisais pas de chiens qui vont écouter pour vous, non? Oui, qui sont entraînés pour traduire et écrire à la main. En gros, les sons graves correspondent à une fréquence faible. Donc, quand on parle d'une fréquence, dans le fond, c'est une onde avant qu'elle revienne au même point puis d'avoir monté en haut et descendu en bas. C'est le temps que ça prend. C'est un hertz, c'est quelque chose sur une seconde. Donc, c'est la longueur d'une onde en une seconde. C'est pas clair, mon affaire, mais vous comprenez qu'admettons, aidez-moi les gars à trouver un comparatif pour les ondes. Oui. Admettons que je lâche une grosse roche dans l'eau. Oui. Oui. Les ondes de l'eau sont beaucoup plus larges, donc la fréquence est beaucoup plus basse. Mais admettons que je lance une toute petite roche. Bloup! Mais là, après ça, les ondes sont beaucoup plus rapprochées, donc la fréquence est plus élevée. Hmm? Mm-hmm. Quand on parle du son en tant que tel, quand un son est grave, la fréquence est faible, et quand un son est aigu, la fréquence est élevée. Okay. Okay? C'est-tu plus clair? Non, c'est clair, c'est clair. Puis ça explique bien des choses par rapport aux voix féminines, aux voix masculines, et l'utilisation des micros, et les niveaux ne sont pas les mêmes sur les consoles. On dit tout le temps qu'il y a vraiment une différence dans les ondes, dans ce qui est envoyé par les gars versus absolument, les filles. Absolument, parce que dans le fond, vous avez des cordes vocales qui sont plus charnues. Ça fait des cordes vocales plus musclées, plus grosses, et ça fait vibrer les molécules à une fréquence plus inférieure, dans le fond. En fait, qu'on est inférieur à vous. Non, c'est non, on est charnu et musclé, monsieur. Voilà, charnu, musclé et inférieur. Virilement inférieur. Un exemple de l'effet de la fréquence d'une onde sonore, c'est comme Laurent a dit, c'est quand on respire de l'hélium, soit un gaz qui est plus petit que l'air ambiant, et qu'on parle, tu sais, quand on prend une balloune de fête parce qu'on a bu trop puis qu'on est con un peu, on parle, on fait des sons beaucoup plus aigus, donc la fréquence du son est plus grande, OK? La fréquence est vraiment plus élevée. Pourquoi ça se produit? C'est que l'hélium est plus petit que les composantes habituelles de l'atmosphère, c'est-à-dire en grande partie de l'azote et de l'oxygène, l'hélium plus petit peut vibrer plus rapidement. Donc, l'onde sonore est plus tight, si on peut dire. Ouais. Et c'est pour ça qu'on parle plus aigu. C'était pas une question ni de vitesse ni d'intensité, mais plus vraiment de la fréquence. La fréquence. C'est pour ça que ta voix ne change pas quand t'avales un pet. Scatologie. Il y a-tu vraiment maintenant comme des segments scatologiques assez fous? C'est la fou. Première fois que je l'essayais, ça. Ah ben, je l'adore. Tout ça, scatologie. Tu l'as dit avec une voix de pervers, un peu My Strange Addiction. C'est sûr que je chuchote? Scatologie. Comme ça? Non, je préfère Hello. OK. Scatologie. Parfait. Cool. Yeah, yeah. C'est-tu trop, là, quatre fois? Non, c'était pas trop. Moi, j'ai le poil sur les bras qui est tout hérissé, là. C'est bon. En parlant d'hérissons, dans le monde animal. OK, je te suis là-dedans. Dans le domaine animal, tout être vivant doté d'une ouïe. Pas le jeu vidéo. Une Wii Fit, moi. Ouais, c'est ça. Tout être vivant doté d'une Wii ne peut percevoir qu'une partie du spectre sonore. Donc, il n'y a pas personne, sa planète, pas aucun animal qui est capable de tout entendre. Cependant, ce qui est particulier sur certains animaux, par exemple, le chat peut percevoir des sons jusqu'à 65 kHz. Hein? Donc, mes rats au laboratoire qui communiquent jusqu'à 50 kHz, ils pourraient les entendre. Ils disent, cool. Accordez-vous, là, arrêtez de vous battre. Est-ce que c'est pour ça qu'il peut les chasser, mettons? Ça se pourrait bien. Ah! Il peut les entendre. Souvent, là, comme le chat, il va comme genre regarder dans les airs. Ouais. C'est pas nécessairement qu'il y a des spectres... ou des fantômes d'amour qui veulent faire de la poterie avec vous. Il n'y a rien, Minou. Arrête de regarder partout. Oui. Ah, mais ça me fait capoter un peu quand mon chat commence à regarder comme un mongol. Là. Mais ça se peut que ce soit tout simplement des insectes ou des petits rongeurs qui émettent ces sons que nous, on ne peut pas entendre puis que le chat, il est comme à l'affût. Puis s'il pouvait avoir un marteau pour ouvrir le mur, une espèce de une grosse masse, il le ferait probablement. Ouais. Le chien, quant à lui, peut percevoir les sons jusqu'à 45 kHz, donc un peu moins que le chat. Et la chauve-souris et le dauphin peuvent percevoir les sons jusqu'à une fréquence de 500 kHz. Ça, c'est rapide en tabarnouche. Certains animaux utilisent aussi leur aptitude à couvrir une large bande de fréquences à des fins diverses. Par exemple, on sait que les dauphins communiquent grâce aux ultrasons à 100 kHz à peu près. Donc, ils font des... Mais genre qu'on ne peut pas entendre, nous autres. C'était proche. C'est proche du bruit d'une licorne. Oui, ah oui, c'est ça. T'en as déjà entendu. Oui, ça fait à peu près ce bruit-là. Les chauves-souris, on sait aussi, avec les dauphins, émettent des ultrasons avec leur système d'écolocalisation. Ça leur permet, dans le fond, de se déplacer, de chasser dans le noir total. Et ce que vous avez peut-être pas, c'est que les éléphants, à l'inverse d'utiliser des ultrasons comme les dauphins, les chauves-souris, eux autres utilisent des infrasons pour communiquer à plusieurs kilomètres de distance. Dans le fond, les infrasons qui sont à une fréquence beaucoup, beaucoup plus basse. Donc, on peut dire que les éléphants, ils parlent vraiment, vraiment grave. Ouais. Ça va aller, le son va aller énormément plus loin que si on parlait avec une voix comme ça. C'est un peu le même principe pour lequel on met dans un orchestre symphonique des instruments à basse fréquence par en arrière. On les met par en arrière. On les assoit à l'arrière complètement. Donc, les violons plus par en avant, tandis que les grosses... contrebasses. Les contrebasses, les bass drums. Je parle en fanfare, moi, là, mais des plus gros instruments qui émettent un son plus grave, ils vont les mettre en arrière parce qu'un son à plus faible fréquence est mieux adapté à contourner les objets. Wow. Ceci dit, je pense qu'on peut maintenant passer à du vrai de vrai son au lieu du son de ma voix. Mais ce matin, un peu enroué d'ailleurs. Je me demande, là, est-ce qu'il faut qu'on retienne tout ça? Est-ce qu'il va y avoir des devoirs et le son? Tu l'attendais, tu savais que j'allais la faire. Non, sérieux, je m'attendais pas. Non, parce que j'allais descendre à ce niveau-là. Fais pas un test après. T'es dans les infrasons de jokes. Les infrasons. Ils sont entendus par tout le monde. Des infrasons. Ils sont entendus par tout le monde, mais. Ils sont pas drôles pour personne. Non, c'est ça. OK. Donc, musique. Musique. Première chanson, Arcade Fire, avec la fantastique chanson Ocean of Noise qu'on va écouter à l'instant. Très belle chanson avec tout plein de sons, de bruits, et pensez à tous les principes derrière la propagation du son. Vous allez voir, là, c'est une expérience enrichie. À Justine Pertine. I had a choice. Oh. well. Left in the morning while you were fast asleep to a notion of violence, of empty streets. You got your reasons, me, I got mine. But all the reasons I gave were just lies to hide myself sometimes. Heard your voice. Now who here among us still believes in choice? Not I. No way of knowing what any man will do. Ocean of violence between me and you. You got your reasons, and me, I got mine. But all the reasons I gave were just lies to buy myself. Keep me shut. shackled to the ground here in this house. As I try, they don't lift me that high. So I hide at the bottom and I'll rest for a while, for a while. Can't pretend it's because of you. Oh, the arrows they blow, they're striking me down in this house. As I try, I can't make a sound, make a sound, make a sound. I can't make a sound, make a sound, make a sound. No, I can't make a sound, make a sound. Make a sound. I can't make a sound, make a sound, make a sound. No, I can't make a sound, make a sound. Ne les entends-tu pas, bruyantes comme le tonnerre, marcher au pas de loi, écraser les frontières et défoncer les portes de leurs semelles cloutées, prétextant la défense des droits et libertés. Des millions qui n'attendent qu'à raisonner, reste qu'à trouver les pieds qui voudront les chausser. C'était Le bruit des bottes de Yann Perrault. Avant ça, on écoutait de Lou Doyon, Make a Sound. Et avant ça, Arcade Fire avec Ocean of Noise. Devinez de quoi qu'on parlait aujourd'hui à Justine Pertine. Ouais, t'as peu, on parlait de... De bottes dans un océan. En fait, non, ça me rappelle Le bruit des bottes. J'aime le cover de... C'est qui le chanteur, t'as dit? C'est pas un cover. Ouais. J'ai jamais dit que c'était un cover. C'est Yann Perrault. Non, Jean Ferrat. Jean Ferrat. Une chanson du même titre. Qui s'appelle Le bruit des bottes. Oui, Le Sauf que c'est B-U-T-T, là. Ça fait... Non, ça fait des... Scatologie! Okay. Je préférais davantage ta première élocution. Version, tantôt. Okay. Oui. Parfait. Est-ce que j'en fais ça un autre jour? Sûrement pas. Non, mais oui. Non, mais quand je suis là, s'il te plaît, donne-toi-y à cœur joie. Je vais faire exprès pour trouver des affaires qui ont, affaires qui ont rapport avec... On te regarde bizarrement, mais j'imagine le regard de Stéphanie. puis non, aurait pu te tuer aujourd'hui. Les regards qui tuent. Ouais. Et c'est ce qui clôt ma chronique Justine Pertine, où je vous ai expliqué aujourd'hui comment ça fonctionne le son. Et dans deux semaines, je vais vous revenir avec le part 2, la continuation, le sequel, Louis. Ah! Wow, c'est cool ça. L'apostrophe O-U-I-T-M-A. De marteau, d'étrier, puis d'enclume. Oui, plein d'outils dans la boîte à outils à papa. Ce sera donc, si on veut, fils de cette chronique, ou, ou animal de compagnie, ou encore en anglais... A pet? Scatologie! Et voilà, ce sera la suite de le son, parce qu'en fait, si on n'a pas d'oreille, le son, on s'en fout, Ouais, bon point. Donc, je vais parler de la biologie de Louis. Et ce sera super intéressant parce que ça va déjà être une matière que je maîtrise davantage. Ben, je trouvais que tu la maîtrisais très bien. Non, mais là, ça, c'est de la physique. OK. Essaye de me faire expliquer c'est quoi une décibel, c'est quoi, c'est de la pression par mètre carré. Moi, je suis comme, oh mon Dieu. C'est quoi un hertz? Ouais. C'est quelque chose sur une seconde. Tu peux le compagnie de déménagement aussi une seconde. Sur le camion, hertz? Ouais. Seconde à la moison. Okay. À la moison. À la moison. Ah, it hurts when I laugh. It hurts, oh, c'est drôle, it hurts. Ah, je vous aime, les gars, je vous aime. Ah, et on t'aime tous, c'est réciproque. C'est vraiment... C'est réciproque. Réciproque. Beaucoup trop facile, ça n'a aucun rapport avec rien. Ah, en tout cas, Justine Renaud, merci beaucoup. Ah, ça m'a tellement fait plaisir. J'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur de mon pognage dans le trafic. Jamais de la vie. On te retrouve la semaine prochaine, dans deux semaines. Avec Louis, l'apostrophe. Jeudi à 8h. Jeudi à 8h. Est-ce que tu vas s'arrêter un petit peu? 15. Si je dois être honnête, je peux pas rester bien non. longtemps, mais je vais juste parce que Mathieu m'a fait de jolis yeux, de très très jolis yeux. Ouh. Je vais rester quelques secondes. Parfait. Ben. Non, quelques minutes. Quelques secondes. Genre, écoute la pub avec nous, ça va être super le fun. Oui. C'est les meilleurs moments de l'émission. On se retrouve dans quelques instants avec une autre portion d'assemblage requis. Ce sera ce qu'on a promis plus tôt, les instructions d'assemblage. Oh yeah, je vais rester, Restez tous là. De nouveautés. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis. On est jeudi 20 novembre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Stéphanie Paradis a congé aujourd'hui. J'ai toujours avec moi Laurent Constantin. Bonjour, Mathieu Plante. Tu restes vraiment plus longtemps que je pensais que t'allais rester. C'est cool. Oui, je me demandais, est-ce que c'est comme à tout le monde en parle, si on reste longtemps, on finit par ouvrir une bouteille de vin, puis non. Je m'occupe pas du budget. Assez fou. Faudrait le demander au supérieur. Ah bon, d'accord. C'est ça. Mais bon. Donc, dans le prochain bloc, dans quelques instants, en fait, on va faire les instructions d'assemblage. J'arrête pas de le dire que ça sent bien, mais je veux que tout le monde soit là. J'attends que Justine soit de retour. Pour l'instant, on va écouter une petite pièce parce que ça fait deux secondes qu'on a écouté une pièce. Oui. Fait qu'il faut que tu retournes. J'ai hâte, moi. T'as hâte, hein, à avoir une autre chanson. Hein. C'est sur l'album Bones of Things de Mally Grove Band. Voici Don't Wanna Say Goodbye. Dans son âge recul. D'après ça, là, je vous le promets, c'est là que ça s'en vient. We'll be right back. shine on. Mellie Grove Band et la pièce Don't Wanna quelque chose, Don't Wanna Say Goodbye, c'est ça, Don't Wanna Say Goodbye. On veut pas s'en aller, il nous reste encore une 35N de minutes à Assemblage Requis. Et comme je l'ai dit depuis un bon bout de temps, c'est le moment d'apprendre comment vivre. Voici les instructions d'assemblage. Yes! Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La réaction. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Marche pas. Bon, donc c'est des instructions d'assemblage, la chronique où on apprend des choses sur la vie pour essayer de mieux la vivre, cette même dite vie-là, susmentionnée. Tout le monde avait l'air bien excité pour la chronique, j'espère qu'elle va être à la hauteur de vos attentes. Commençons par le fait que c'est mieux de faire un petit peu d'exercice, plus souvent, c'est mieux que de faire un seul long entraînement, nous dit-on. On dit qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire des exercices, donc on a un choix à faire. Est-ce qu'on fait plusieurs petits moments d'exercice ou un ou deux plus longs entraînements? Selon le New York Times, de plus petit, période d'entraînement serait aussi efficace et même, sinon, plus. Quelques études nous apprennent que de l'exercice léger à travers la journée serait efficace pour la santé. Donc, les chercheurs ont examiné l'exercice de la pression sanguine, le contrôle de la pression sanguine, dans une étude en 2012. Ils nous apprennent donc que une promenade de 30 minutes en après-midi améliorerait la pression, la lecture de cette dite pression, pendant 24 heures chez les adultes qui avaient une hypertension borderline. Je sais pas ce que ça veut dire ici. Mais trois promenades de 10 minutes à travers la journée l'améliorerait cette pression-là tout aussi efficacement. Mais contrairement à une seule session, ça empêchait les pics de pression, ce qui peut indiquer un mauvais contrôle de la pression sanguine. Les pics, c'est piquant aussi. C'est très dangereux. Est-ce que ça se tient, ça? Oui, ça se tient absolument. Parfait. Donc, c'est difficile de savoir si c'est vraiment plus efficace à long terme, mais au moins pour les premières semaines. Peut-être que ça va même vous encourager à en faire plus souvent parce que ça va être moins fatigant. Donc, on dit 10 minutes d'exercice 3 fois par jour, plus facile à accomplir que 30 minutes de long. Ben, je suis bien d'accord. Bon. Eh bien. Moi, j'aime ça. Aussi, on nous suggère de faire des exercices tôt le matin pour réduire les douleurs aux pieds. On a tous des fois mal aux pieds, mais en tout cas, ça m'arrive fréquemment, même si c'est sûr que les gens qui travaillent debout ont plus de problèmes de pieds. Mais moi, j'en ai, puis je suis assis toute la journée. Donc, tu sais, il y a quelque chose là-dedans. Là. Donc, c'est facile d'empêcher ces douleurs aux pieds si vous savez vraiment comment faire. Le Wall Street Journal nous suggère quelques exercices simples qu'on peut faire avant de se lever de son lit et qui va empêcher donc les douleurs aux pieds. L'idée, c'est de s'étirer le matin pour aider ses pieds. Donc, la routine nous dit, attention, c'est selon Dr. Campbell, de s'asseoir avec les jambes bien droites devant vous. Et mettre vos orteils à un angle qui va pointer vers votre tête. Hein? Donc, on tire sur le pied, sur le haut du pied, ce qui fait travailler le tendon d'Achille. Et donc, ça va aider avec le devant et le derrière du pied, si on veut. On dit aussi de faire rouler une balle de tennis ou une balle de golf sous votre pied, ce qui va stimuler les nerfs, ouais, des pieds, voilà. Et ça va vous aider à vous protéger des blessures aussi. On va vous dire aussi de ramasser des billes ou des serviettes avec vos orteils pour améliorer, renforcer les muscles des orteils et le centre du pied. On dit ensuite d'envelopper un grand élastique, ça se trouve, ces gros élastiques-là, ça existe, autour des orteils et ensuite de tirer vers vous pour vraiment entraîner vos muscles. Mais ça commence à coûter cher, là, le golf, les billes, ben oui, les élastiques. On sait bien. Tout ça pour la santé de nos pieds. Prends des balles, tu sais, les jouets des années 90. Facile une amputation. Plus facile de s'amputer. Tu sais, les jouets des années 90 où on attrapait sur une grosse raquette de velcro, on attrapait des balles. Oui. Ah, c'est de la c'est revenu, cette histoire-là. C'est revenu. C'est déjà parti. C'est parti, c'est revenu, puis c'est reparti. Ça n'arrête pas de revenir. D'accord. Ça revient à mode beaucoup trop souvent, à mon avis. C'est ça. Et les billes, j'imagine, sont peut-être jamais parties. Je ne les ai pas vues, moi, mais... On n'a jamais vraiment su comment jouer aux billes, mais il y en a tout le temps. Tout le temps, eu des billes. Oui, et il y a plein d'enfants qui pleurent, puis un enfant qui ramassait tout. Ça, c'était mon histoire d'enfance. Ah, wow. Donc, le Wall Street Journal pour l'article, allez sur assemblagerequis.com. On dit ensuite de tester vos alarmes de feu avec de la vraie fumée et non pas le bouton test. Parce que souvent, quand on va se faire un feu, c'est vrai. Pour voir s'il le détecte. Ben, c'est ça, pour voir s'il le détecte pour vrai. Donc, le bouton test, c'est pas assez. C'est le boss. Le saumon fumé, ça fait ça à job. Peut-être, oui, c'est ça. Ben, en plus, c'est délicieux après. Si on vapote, mettons. OK. Là, on va se dire, j'ai entendu pour la première fois de ma vie le mot vapoter hier. OK. Pour décrire la cigarette électronique. Là, on me fucking niaise. Vapoter. C'est vraiment ça le mot. Vapoter d'un fleur. C'est ça, ben pour vrai. Puis t'as des vapoteurs, des vapoteuses, je pense, des vapoteuses. Mmh. Vapotage. Vapotage, c'est aussi affreux qu'une liseuse pour un livre électronique, tu sais. On invente des mots, là, puis c'est lettre en mode. Mais parenthèse, hein, mais merci de l'avoir appris. Les néologismes t'amènent certaines. Ben non, les néologismes qui sont beaux, ça va. Okay. Mais vapoter. Mais clavarder non plus, c'est pas beau, moi. Non, juste. C'est vrai que c'est pas beau. Mais courriel, c'est beau. Ben courriel, oui. C'est beau. Mais il y a clairement. Des gens qui appellent leurs enfants décibels, il y en a d'autres qui appellent leurs enfants courriels. Décibels. Ouais, donc, pour tester si le son de l'alarme fonctionne et si le système de détecteur de fumée fonctionne, donc savoir si le son fonctionne n'a rien à voir avec l'appareil lui-même et s'il est capable de détecter la fumée, dans le fond. Parce que quand tu payes sur le bouton test pour tester le son du système, on se comprend ça? Ça reste le son du système. Puis les piles. Et la pile, oui, bien évidemment, évidemment. Donc, il faut se souvenir de changer les piles aussi. On dit deux fois par année. Quand on change l'heure, je pense que c'est le moment le plus approprié, mais ça, c'est pas un conseil que vous devez entendre, tout le monde le sait déjà. Les détecteurs de fumée sont installés dans 58% des maisons qui ont des feux qui tuent des gens. OK, mais fonctionnent seulement dans 37% de ces mêmes quoi? Feux. Quoi? Moi, ils fonctionnent 37. Tout le temps quand je cuisine. Moi aussi, c'est ça, tu fais des Pop-Tarts, puis ça se met à brûler, à sonner, cette affaire-là. Ouais, mais avec un chalumeau, c'est pas idéal. C'est écrit en plus sur l'emballage. Do not chalumeau the Pop-Tarts. Ah, bon. Surtout avec l'emballage. C'est pas la crème brûlée. Non, mais c'est ça. Puis on sait que la saveur de crème brûlée goûte pas vraiment la crème brûlée. Donc, le bouton test. Il y a des pop-tarts à la crème brûlée. Il y a des pop-tarts à tout. OK. Je pense que oui, crème brûlée, je pense en être une. C'est bon. Sinon, une édition limitée, mais je m'appelle avoir. Il faut vraiment que tu fasses une chronique sur les pop-tarts. C'est les saveurs de choses en général. Ben oui, c'est ça. Mais c'était pas une pop-tart, c'était une autre sorte de bâton. En tout cas, pour vrai, c'est intense. C'est ça. Donc, certains manuels d'alarme de détecteur de fumée décourage, vous suggère de ne pas allumer une flamme près de l'appareil. Ah, ouais. Donc, on peut, utiliser une canette qui s'appelle UL Rated Can of Smoke. Donc, c'est de la fausse fumée qu'on va se procurer et pour tester le système d'alarme. Donc, au moins, vous allez avoir vraiment l'impression d'être plus en sécurité parce que vous allez être plus en sécurité. C'est pas juste une impression, c'est vrai. T'sais. Bref, détecteur de fumée, c'est bien important, ça, dit le gars qui a son détecteur de fumée en ce moment sur le comptoir qui attend d'acheter une batterie. Ah-ha. Parce que je suis pas allé au magasin depuis un bout. Eh boy. Ça fait comme une semaine qu'il n'y a pas de... Ouais, fait que là, si je passe au feu, là, environ. Ouais. Mais je ne vais jamais au magasin, je ne fais pas l'épicerie. Sens-tu? Non, je mange à la cafétéria. il faut que je me procure. Je suis un petit peu... Non, c'est ça, c'est que je suis pas bien souvent chez nous. Donc, ensuite, comment nettoyer... Ah tiens, je pense qu'on va pouvoir t'intégrer vraiment à cette portion de la chronique, Justine, parce pourquoi? Que ton téléphone est pété en avant, on va se le dire. Oh, il est pété tout partout. Et non seulement la vitre est complètement fracassée, mais il y a un entaille en triangle et la lentille de ta caméra pendouille, comme on peut dire scientifiquement, le terme médical est pendouille. Pandouille. Pandouille? Oui. Tellement que tu peux y titiller la tétille. Oui, j'ai accès à je titille la lentille. J'ai tout accès à tout l'intérieur de mon téléphone. Bon. C'est fantastique. Donc, toi, tu n'as pas besoin de conseils pour nettoyer la caméra de ton iPhone parce qu'elle est accessible à la main. Oui, je fais juste dans le fond, je la liche un peu puis je l'essuie. Ben, c'est ça, tu y liches la lentille. donc, juste parce que ton iPhone habituellement est scellé, OK? Ça veut pas dire qu'il est habituellement n'est pas immunisé à la poussière. Bon, une fois qu'il y a de la poussière sur ta lentille, t'as peut-être besoin de chirurgie un peu pour l'enlever. Donc, il y a un utilisateur sur YouTube qui s'appelle Jerry Rig Everything qui vous montre comment nettoyer l'intérieur. C'est pas un processus simple, il nous montre comment défaire la carcasse du iPhone pour aller à l'intérieur de la caméra, de tout ce qui est lentille et caméra, pour aller nettoyer ça. Il vous le montre sur la petite vidéo qui est sur assemblagerequis.com. Mais une fois que vous avez enlevé quelques petites vis, vous allez avoir besoin de déconnecter quelques câbles et ensuite d'envoyer des fils et d'envoyer de l'air dans une petite cacane à l'intérieur de votre iPhone pour tout nettoyer ça. Donc, nettoyer l'intérieur de votre téléphone, c'est ce qu'on vous propose de faire aussi, en s'occupant principalement ou particulièrement du trou pour la caméra. Et une fois que c'est fait, on réinstalle tout ça et on pourra prendre de belles photos, hein? Parce que la lentille est à l'intérieur du iPhone. Oui. Et ce qu'il y a à l'extérieur, c'est un petit recouvrement de comment t'appelles ça? Je pense que c'est rendu du saphir. Du saphir. Juste rendu du saphir. J'ai aucune idée. Je pense que c'est rendu ça. Mon petit collectionneur de roches. Sapphire. Mais il y a comme quelque chose qui... c'est fait sur les plus récents iPhones, c'est fait plus solide pour que ça ne se graphique jamais l'extérieur de la lentille. Les anciens iPhones n'avaient pas ça. Mais en tout cas, mon iPhone 4, il n'est pas fait en saphir. Pas vraiment en saphir. Saphir dur. Oh, bravo. Donc, allez voir la petite vidéo sur assemblagewiki.com. Félicitations pour le jeu de mots. Comment nettoyer des cassettes de jeux vidéo maintenant de la bonne façon sans avoir à souffler dessus? Non, en fait, faut pas souffler dessus. C'est pas bon pour les cassettes de Nintendo. C'est ce qu'on nous conseille de ne pas faire, en fait. Si vous avez des vieilles cartouches de jeux vidéo, moi, j'ai une cartouche de Nintendo 64 dans mon sac en ce moment parce que ce soir, c'est le Etu Game. Et je me demande si je peux amener mon Diddy Kong Racing parce que je veux jouer à Diddy Kong Racing, puis je l'ai amené. J'espère. Pourquoi tu m'as pas invité? Mathieu, c'est ça. Ben moi, je vais être là. Tu vas être là? Justine, as-tu envie d'être là? Non, je suis pas là à soir. Je suis à Montréal. OK, parce que ça serait le fun si t'étais là, mais en fait, c'est ça, j'ai juste pas pensé. Je vais vous battre à Perfect Dark. C'est le seul jeu que je suis capable de jouer comme du monde. Cool. Ben, il va y avoir du GoldenEye, il va y avoir du Smash Brothers. Smash Brothers. Du Pokémon Stadium. Arrête, là. Bref, c'est pour ça que je fais pas le pub. Le poil mérisse. Ouais, c'est ça. C'est ça, tout ça pour dire que les cassettes de jeux vidéo, c'est une console qui fonctionne à la maison. Vous avez probablement quelques jeux et peut-être qu'ils sont pas tout le temps en parfait état de démarrage. Ça arrive. Donc, avant de perdre votre temps à souffler dedans et peut-être même nuire au circuit avec votre bave, Ars Technica nous offre un guide pour les faire fonctionner comme s'ils étaient tout neufs. Ah. Donc, regardez la petite vidéo sur assemblagewiki.com. Mais en gros, ce qu'on a à faire, c'est d'ouvrir la cartouche avec le tournevis nécessaire. Utiliser de l'alcool à friction pour nettoyer les contacts sur la cartouche. Et ça devrait fonctionner pour à peu près n'importe quoi que les vieilles consoles, Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, les autres compagnies moins bonnes. Mon Sega Genesis, mettons. Sega Genesis aussi, lui. Si tu y tiens. Moi aussi, j'en ai un, Laurent. Mon Game Boy Couleur. Ça, je l'ai donné à un petit gars. J'ai gardé un petit gars, puis la dernière journée, je lui ai donné mon Game Boy Color. Mais une chance, c'est que maintenant, tu peux télécharger bien des jeux de ces différentes consoles sur la console virtuelle de la 3DS. Arrête, dis-moi pas ça. Une chance. Je joue pas ça. T'as pas ça, tu sais? Ben, il faudrait. Pour les jeux rétro, c'est la vie. Ensuite, tu sais, des fois, on se rappelle pas de prendre des pilules, de prendre nos médicaments, de prendre peu importe. C'est vrai que je me souviens pas d'avoir pris des pilules. C'est ça. J'en ai pris beaucoup trop, je pense. Donc, c'est le conseil de virer sa bouteille en verre pour éviter d'oublier une dose ou encore de doubler sa dose. Tu comprends? Des fois, on va la prendre deux fois parce qu'on est tellement habitué qu'on se dit qu'on l'a oublié, on la reprend deux fois. Donc, le conseil est le suivant. Surtout si vous le faites le matin avant que votre cerveau soit complètement réveillé, ce qui est mon cas. Donc, une habitude facile à prendre. Une fois que vous avez pris votre pilule, vous flippez, vous tournez la bouteille à l'envers. Comme ça, vous allez toujours savoir que vous avez pris votre pilule et quand c'est le moment de la remettre à l'endroit. Plus tard. Avant de se coucher. Avant de se coucher, mettons. Donc, avant de te coucher, tu vas la ramener à l'endroit. Mais moi, c'est le nouveau conseil. Non. Je devrais même pas m'embarquer là-dessus parce que j'ai gaffé hier encore. Mais j'essaie de me donner un conseil pour me rappeler de faire une tâche que j'ai à faire à assemblage requis, mettons, puis je l'oublie comme plusieurs fois depuis le début de la session. T'sais. Maintenant, mon truc, c'est de prendre le post-it et de le mettre sur mon bureau jusqu'à temps que la tâche soit faite. Puis quand la tâche est faite, je remets le post-it sur mon écran. Mais hier, j'ai fait ça, je me rappelle avoir fait le mouvement. Puis Colin, ça n'a pas joué prérequis ce matin, en 6h30 et 7h30. Ah, bon. Fait que des fois, mon conseil ne marche pas. Fait que suivez pas tous mes conseils. Mais celui-là, c'est de flipper votre bouteille à l'envers le matin et de la remettre à l'endroit le soir. Non, mais c'est winner au bout. T'amènes une fille chez vous et tu dis « Attends, chérie, je dois aller reflipper mes bouteilles de pilules pour être sûr que demain, j'en prenne pas deux, tu sais. » C'est pour te rappeler d'avoir des relations avec elle. T'as prends par à l'envers, à un moment donné, puis t'as repris par... OK, wow! Hey! Oh! Oh! Wow! Pas tellement scatologie! Pas sexualité, OK, bon. On était sur le running gag de... On fait des gags croche ce matin, c'est comme un buzz étonnant. Un gag qui nous donne envie de gaguer. Ça m'a surpris. Un gag qui donne envie de gaguer, comme tu t'es étouffé, genre. Ouais, c'est pas mon genre d'humour, mais bon, des fois, ça m'arrive. Ensuite, utiliser... Alors ça, c'est vraiment intelligent. Tu sais, dans la douche, des fois, on veut se mettre un petit carré. Ça, c'est un petit rack pour mettre le shampoing. Puis le savon, Vous me suivez, ça va? Oui, oui. Et des fois, si vous avez une pomme de douche qui est plus. Qui descend vers le bas, qui est plus courbée vers le bas. Plus en forme de poire, maintenant. Plus en forme de poire, OK. D'une pomme. D'une pomme, je comprends. Ouais. C'est drôle. Arrête, j'ai une crampe au diaphragme. Je parle du muscle, là, pas de. Oui, oui, pas de. OK. Donc, tu veux faire tenir ton rack, ton caddie qu'on appelle de douche. Utilise un petit zip tie, tu sais les petits trucs que tu de plastique qui quand tu tires dessus ça va le bloquer. Un tie wrap exactement, merci. Oui. Là, on n'a pas trouvé le mot en français. Là. Non, mais un emballage cravate, donc un tie wrap. Un attache faillite. T'as pas aimé ma traduction littérale? Oui, oui. J'aime okay. ça. Donc, utilisez votre tie wrap pour attacher votre caddy de douche pour pas qu'il tombe en dessous de votre... pour pas qu'il tombe dans le bain. C'est super simple. Tu sais, le tie wrap, puis tiens, en dessous, là, c'est fait. Moi, je trouve bon ce qu'on fait. Un bon anneau. Mais t'as raison. Bon. Sur YouTube, des fois, on a de la difficulté à regarder des vidéos parce que notre connexion n'est pas super stable. Ah oui. À l'UQTR, entre autres, la connexion est jamais stable. La grosse boule. Les borderline c'est fâchant. C'est un petit peu fâchant. Donc, allez dans les paramètres de l'extension qui s'appelle YouTube Center. Et il y a une option qui s'appelle Dash Playback. Et vous décochez cette option-là parce que Dash Playback, dans le fond, YouTube, depuis quelques années, ce que ça fait, c'est qu'ils vont précharger juste un segment à la fois. Et quand tu es assez à la fin, rendu assez proche de la fin de ce segment-là, ça va charger le prochain segment. Donc, si tu n'as pas une bonne connexion Internet, le prochain segment ne se charge pas. En désactivant ça dans l'extension YouTube Center, vous allez avoir le chargement de la vidéo au grand complet. Ça, c'est ce qu'on appelle la technologie du Dynamic Adaptive Streaming. Mais ça veut-tu dire qu'il faut que j'attende que mon vidéo soit complètement loadée avant de me rendre jusqu'au milieu de du vidéo, par exemple? Disons que je suis pressée et que je vais aller au milieu du vidéo. Tu peux aller quand même au milieu de la vidéo. OK. Ouais, ouais. Ensuite, on reste dans les trucs un petit peu plus geek d'ordinateur. Tantôt, Laurent, tu nous as demandé à Justine et moi, est-ce que vous avez le même Mac? Ouais, j'ai fait ça. Ouais, t'as fait ça. Nous, on disait que non, moi, c'est un MacBook Air. Puis moi, c'est un Big Mac. Big Mac. Non, elle a dit que c'était un MacBook Pro. Moi, on lui a dit que c'était un MacBook Pro. Elle a entendu un MacBook O. MacBook O. Elle pensait que c'était des éléments, l'air, l'eau. Il y a sûrement le MacBook Terre et le MacBook, je crois, Feu. Oui. C'est ça, à peu près. MacBook Feu. MacBook Feu. Hey, ça sonne bien, ça. Prochain modèle, c'est pas pire, ça. Ah, le prochain MacBook Air Twin and Fire. Oh! Ouais, il devrait t'engager en marketing. Ouais, OK. Mais donc, t'arrivais où, hein, c'est ça? Hein? C'était quoi ton point, finalement? Je sais plus, on passe au prochain. Non, quand vous... Il y a un problème, OK? Pour ceux qui connaissent le monde du PC, le monde du Mac, quand tu copies des fichiers sur un PC, il y a déjà des fichiers qui sont nommés pareils. Ça va te demander, voulez-vous les remplacer, les copier, les ignorer, etc. Oui. Et tu peux garder les deux copies facilement. Uh-huh. Ça, c'est vraiment simple. Mais sur le Mac, il n'y a pas l'option de garder les deux. Ouais. Non, c'est seulement... d'arrêter ou de remplacer. Si tu arrêtes, le transfert s'arrête complètement là. Si tu remplaces les fichiers puis tu perds les anciens, il n'y aura pas de façon de les récupérer. Tu les écrases. C'est pas le fun, ça. Tu peux aussi skipper et passer au prochain fichier. Mais tu n'as pas l'option de garder les deux fichiers. Des fois, ils seraient nommés pareil, mais ils ne seraient pas la même affaire. Fait que tu perds les fichiers tout le temps. Moi, ça m'arrive fréquemment. J'ai ça. Il y a une option cachée pour garder les deux fichiers. Okay. Quand tu dragues des fichiers dans un autre dossier. Les draguer. Les cruiser. Faire un petit peu de clin d'œil. Donc, appuyez sur la touche Alt sur les claviers québécois et autres, alors qu'aux États-Unis, c'est la touche Option, mais nous, c'est Alt. Moi, c'est Option. Toi, c'est Option parce que tu as un clavier américain, je crois. Tu as commandé un clavier américain. C'est vrai. Pour vrai. Il mange des Big Mac. Donc, tenez la touche Alt ou Option et le bouton Skip va devenir un bouton Keep Both. Gardez les deux. Tu me niaises-tu? Je te le jure. Hein? Ouais. Mais... parler vraiment d'un problème que je n'ai jamais rencontré. Ben, non. Moi, je le rencontre souvent. Moi aussi. J'aurais préféré ne jamais le rencontrer. C'est ça, parce qu'on a vraiment perdu des fichiers. Tu sais, ils s'appellent untitled.jpg, les deux, mais c'est pas le même fichier. Ouais, des chansons. Des chansons. Qui sont pas nommées, t'en as sûrement des tonnes. C'est vraiment gossant. Et la touche Alt ou Option sert à plein d'autres choses. Essayez-la partout dans macOS. Cliquez sur les menus, Chrome, fichier, mettons, modifier, etc. Et appuyez sur la touche Alt ou Option. Vous allez voir les options changer en temps réel dessus. Et ça fait plein de choses que tu ne savais pas que ça faisait. Moi, je trouve que c'est fantastique. Voilà, donc c'est tout pour la chronique Les instructions d'assemblage. C'est bien? On va se coucher moins niaiseux. Un en tout cas, le truc de l'option Alt, là, j'aime bien ça. C'est celui qu'on moi, j'ai surtout retenu que tu n'auras plus de problème au pied si tu suis toutes les recommandations. Si tu joues au BI. C'est beaucoup de recommandations, mais il faut que tu te lèves une heure d'avance. Un skill. C'est ça. Comme on se dit, tu mets le doigt sur la bille, puis. Plaque sexuelle. Merci, M. Plante. Plaisir, j'ai retenu mon souffle tout ce temps-là. Je suis comme tout essoufflé. Ouais. Merci à vous deux d'être restés pour cette portion d'émission. C'était fantastique. Maintenant, tiens, on va transitionner de façon plus ou moins subtile parce qu'on va finir par manquer de temps si on fait autrement. On va y aller avec notre prochain bloc qui s'appelle, attention, le poste d'écoute d'assemblage requis. Et c'est le poste d'écoute d'assemblage requis. C'est notre petit bloc musical sur lequel on termine la semaine. Et d'habitude, c'est Stéphanie Paradis qui fait cette chronique-là, mais elle m'a demandé de la remplacer pour cette situation exceptionnelle. On va entendre autant de pièces que possible du nouveau maxi de la formation Vogue Dots. Il s'appelle Mocha. Vogue Dots qui était sur le palmarès anglophone, bien sûr, cet été, avec une pièce de leur maxi Way With Silence. Elle se nommait... est-ce que j'ai le titre de la chanson? Non, je ne l'ai pas avec moi. Mais quand même, il y avait une pièce 2 sur les palmarès cet été. En fait, non, je pense que c'était sur Tosca. Ils ont donc les albums, eux autres. C'était Skinny Thing sur l'album Tosca de Vogue Dots qu'on avait cet été. Mais c'est pas important parce qu'on vit dans le présent. Hein. Leur nouveau maxi s'appelle Mocha, M-A-U-K-A. Allons-y à l'instant avec la première pièce de ce maxi. C'est Way With Silence, tout de suite au 89 FM. C'est le poste d'écoute. C'était l'information Vogue Dot. C'est la pièce Tox sur leur album Mocha, M-A-U-K. Avant ça, on a entendu Away With Silence qui ouvre ce maxi de 4 pièces dans le poste d'écoute d'Assemblage Requis. On écoute une nouveauté de la discothèque de C'est Fou. Vogue Dot, c'est un nouveau groupe duo pop expérimental du Nouveau-Brunswick au Canada. Les musiciens électroniques Babette Hayward et Tynan Dunfield qui créent cette ambiance séductive avec des chansons mélodieuses remplies de mystères, voilà, nous disent-ils. Alors, maxi est sur Indica Records. Plus d'informations sur Vogue, tradeunion.dots.bandcamp.com ou encore facebook.com/VogueDots. On va se quitter à la fin de l'émission avec une dernière pièce. Ce sera le morceau Jealous Hearts qui suivra. Mais pour l'instant, c'était très court comme poste d'écoute et c'est tout pour Assemblage Requis pour aujourd'hui et pour la semaine au complet. Oh, bon. Mais on va être de retour lundi entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Restez sur nos ondes. Dans quelques instants, ce sera les filles de deux styles. Deux filles, deux styles, une émission. J'ai tout ça dans le désordre, c'est-à-dire que je veux changer l'ordre des choses. C'est une émission, deux filles, deux styles. Non, c'est deux filles, deux styles, une émission. C'est pas compliqué. Blues et rock à partir de 9h30. Ensuite, à 11h, c'est Dinko. À 13h, créateur de son. À 14h, jour de paye. À 15h, à livre ouvert. À 16h, le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante en rappel. Et finalement, à 19h, 13e étage et 21h, Radio Sonic. C'est fou.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Je remercie Justine Renaud et Laurent Constantin d'avoir passé l'émission avec moi presque au complet. Stéphanie Paradis va être de retour lundi. Comme je disais, on se quitte avec une dernière pièce de Vogue Dots qui se nomme Jealous Hearts. Et on se retrouve lundi. Bonne fin de semaine.